Grand Dieu, ce que je venais de dire à la vieille, le marquis Guy de Ruy, était l'exacte vérité. Il y avait 3 jours à peine qu'une douzaine de femmes du vertueux faubourg Saint-Germain, qu'elles soient bien tranquilles, je ne les nommerai pas, lesquelles, toutes les 12, selon les douairières du commérage, avaient été du dernier bien, vieille expression charmante, avec le comte Ravila de Ravilès, s'étaient prises de l'idée singulière de lui offrir à souper, à lui seul, d'homme, pour fêter, quoi. Elle ne le disait pas. C'était hardi quand elle soupait, mais les femmes, lâches individuellement, en troupe, sont audacieuses. Pas une, peut-être, de ce souper féminin n'aurait osé l'offrir chez elle, en tête à tête au comte Jules Amédée Hector. Mais ensemble et s'épaulant toutes, les unes par les autres, elles n'avaient pas craint de faire la chaîne du baquet de Mesmer, autour de cet homme magnétique et compromettant le comte de Ravila de Ravilès. Quel nom! Un nom providentiel, madame. Le comte de Ravila de Ravilès, qui, par parenthèse, avait toujours obéi à la consigne de ce nom impérieux, était bien l'incarnation de tous les séducteurs dont il est parlé dans les romans et dans l'histoire. Et la marquise, Guy de Ruy, une vieille mécontente, aux yeux bleus, froids et affilés, mais moins froid que son cœur et moins affilé que son esprit, convenait elle-même que dans ce temps où la question des femmes perd chaque jour de son importance, s'il y avait quelqu'un qui pût rappeler Don Juan, à coup sûr ce devait être lui. Malheureusement, c'était Don Juan au 5e acte. Le prince de ligne ne pouvait faire entrer dans sa spirituelle tête qu'Alcibiade eût jamais eu 50 ans. Or, par ce côté-là encore, le comte de Ravila allait continuer toujours Alcibiade. Comme d'Orsay, ce dandy taillé dans le bronze de Michel-Ange, qui fut beau jusqu'à sa dernière heure, Ravila avait eu cette beauté particulière à la race Juan, à cette mystérieuse race qui ne procède pas de père en fils comme les autres, mais qui apparaît çà et là à de certaines distances dans les familles de l'humanité. C'était la vraie beauté, la beauté insolente, joyeuse, impériale, joannesque enfin, le maudit tout et dispense de la description. Et avait-il fait un pacte avec le diable? Il l'avait toujours. Seulement Dieu retrouvait son compte. Les griffes de tigre de la vie commençaient à lui rayer ce front divin, couronné des roses de tant de lèvres, et sur ses larges tempes impies apparaissaient les premiers cheveux blancs, qui annoncent l'invasion prochaine des barbares et la fin de l'Empire. Il les portait, du reste, avec l'impassibilité de l'orgueil surexcité par la puissance. Mais les femmes, qui l'avaient aimé, les regardaient parfois avec mélancolie. Qui sait? Elles regardaient peut-être l'heure qu'il était pour elles à ce front. Hélas, pour elles comme pour lui, c'était l'heure du terrible souper avec le froid commandeur de marbre blanc, après lequel il n'y avait plus que l'enfer, l'enfer de la vieillesse, en attendant l'autre. Et voilà pourquoi, peut-être, avant de partager avec lui ce souper amer et suprême, elles pensèrent à lui offrir le leur, et qu'elles en firent un chef-d'œuvre. Oui, un chef-d'œuvre de goût, de délicatesse, de luxe patricien, de recherche, de jolies idées, le plus charmant, le plus délicieux, le plus friand, le plus capiteux, et surtout le plus original des soupers. Original, pensez donc. C'est ordinairement la joie, la soif de s'amuser qui donne à souper. Mais ici, c'était le souvenir, c'était le regret, c'était presque le désespoir, mais le désespoir en toilette, caché sous des sourires ou sous des rires, et qui voulait encore cette fête ou cette folie dernière, encore cette escapade vers la jeunesse revenue pour une heure, encore cette griserie, pour qu'il en fût fait à jamais. Les amphitryones de cet incroyable souper, si peu dans les mœurs trembleuses de la société à laquelle elles appartenaient, durent y éprouver quelque chose de ce que Sardanapale ressentit sur son bûcher, quand il y entassa pour périr avec lui ses femmes, ses esclaves, ses chevaux, ses bijoux, toutes les opulences de sa vie. Elles aussi entassèrent à ce souper brûlant toutes les opulences de la leur. Elles y apportèrent tout ce qu'elles avaient de beauté, d'esprit, de ressources, de parure, de puissance, pour les verser en une seule fois en ce suprême flamboiement. L'homme devant lequel elles s'enveloppèrent et se drapèrent dans cette dernière flamme était plus à leurs yeux qu'aux yeux de Sardanapale toute l'Asie. Elles furent coquettes pour lui comme jamais femmes ne le furent pour aucun homme, comme jamais femmes ne le furent pour un salon plein. Et cette coquetterie, elles l'embrasèrent de cette jalousie qu'on cache dans le monde et qu'elles n'avaient point besoin de cacher. Car elles savaient toutes que cet homme avait été à chacune d'elles, et la honte partagée n'en est plus. C'était, parmi elles toutes, à qui graverait le plus savant son épitaphe dans son cœur. Lui, il eut ce soir-là la volupté repue, souveraine, nonchalante, dégustatrice du confesseur de nonne et du sultan. Assis comme un roi, comme le maître, au milieu de la table, en face de la comtesse de Chiffrevasse, dans ce boudoir fleur de péché ou de péché. On n'a jamais rien su, l'orthographe, de la couleur de ce boudoir. Le comte de Ravilla embrassait de ses yeux, bleus d'enfer, que tant de pauvres créatures avaient pris pour le bleu du ciel, ce cercle rayonnant de 12 femmes, mises avec génie, et qui, à cette table chargée de cristaux, de bougies allumées et de fleurs, étalait depuis le vermillon de la rose ouverte jusqu'à l'or adouci de la grappe ambrée, toutes les nuances de la maturité. Il n'y avait pas là de ces jeunesses vert tendres, de ces petites demoiselles qu'exécrait Biron, qui sentent la tartelette et qui, par la tournure, ne sont encore que des épluchettes, mais tous étaient splendides et savoureux, plantureux automne, épanouissement et plénitude, saints éblouissants battant leurs pleins majestueux au bord découvert des corsages, et sous les camées de l'épaule nue, des bras de tout galbe, mais surtout des bras puissants, de ces biceps de Sabine, qui ont lutté avec les Romains, et qui seraient capables de s'entrelacer pour l'arrêter dans les rayons de la roue du char de la vie. J'ai parlé d'idées. Une des plus charmantes de ce souper avait été de le faire servir par des femmes de chambre pour qu'il ne fût pas dit que rien n'eût dérangé l'harmonie d'une fête dont les femmes étaient les seules reines, puisqu'elles en faisaient les honneurs. Le seigneur Don Juan, branche de Ravilla, put donc baigner ses fauves regards dans une mer de chairs lumineuses et vivantes, comme Rubens en met dans ses grasses et robustes peintures. Mais il put plonger aussi son orgueil dans les terres plus ou moins limpides, plus ou moins troublées de tous ses cœurs. C'est qu'au fond, et malgré tout ce qui pourrait empêcher de le croire, c'est un rude spiritualiste que Don Juan. Il l'est comme le démon lui-même, qui aime les âmes encore plus que les corps, et qui fait même cette traite-là de préférence à l'autre, le négrier infernal. Spirituel, noble, du ton le plus faubourg Saint-Germain, mais ce soir-là hardi comme des pages de la maison du roi, quand il y avait une maison du roi et des pages, elles furent d'un étincellement d'esprit, d'un mouvement, d'une verve et d'un brio incomparables. Elles s'y sentirent supérieures à tout ce qu'elles avaient été dans leurs plus beaux soirs. Elles y jouirent d'une puissance inconnue qui se dégageait du fond d'elles-mêmes et dont jusque-là elles ne s'étaient jamais doutées. Le bonheur de cette découverte, la sensation des forces triplées de la vie, de plus les influences physiques si décisives sur les êtres nerveux, l'éclat des lumières, l'odeur pénétrante de toutes ces fleurs qui se pâmaient dans l'atmosphère chauffée par ces beaux corps aux effluves trop forts pour elles, l'aiguillon des vins provoquants, l'idée de ce souper qui avait justement le mérite piquant du péché, que la napolitaine demandait à son sorbet pour le trouver exquis, la pensée enivrante de la complicité dans ce petit crime d'un souper risqué, oui, mais qui ne versa pas vulgairement dans le souper régence, qui resta un souper faubourg Saint-Germain et XIXe siècle, et où de tous ces adorables corsages doublés de cœur, qui avaient vu le feu et qui aimaient à l'agacer encore, pas une épingle ne tomba. Toutes ces choses enfin, agissant à la fois, tendirent la harpe mystérieuse que toutes ces merveilleuses organisations portaient en elles, aussi fort qu'elles pouvaient être tendues sans se briser, et elles arrivèrent à des octaves sublimes, à d'inexprimables diapasons. Ce dut être curieux, n'est-ce pas? Cette page inouïe de ses mémoires, Ravilla l'écrira-t-il un jour? C'est une question, mais lui seul peut l'écrire. Comme je le dis à la marquise Guy de Ruy, je n'étais pas à ce souper, et si j'en vais rapporter quelques détails et l'histoire par laquelle il finit, c'est que je les tiens de Ravilla lui-même, qui, fidèle à l'indiscrétion traditionnelle et caractéristique de la race Juan, prit la peine un soir de me les raconter.